Composé en prose ou en vers comme Hugo ou Baudelaire, parcourir le monde, découvrir et voyager, être un archéologue fouillant la terre et ses mystères. J'aurais voulu devenir médecin de guerre ou sans frontières, mettre au point des vaccins dans mon laboratoire, user des lettres et des mots comme d'un exutoire, et puis décrire mon vécu et mes souvenirs dans un mémoire. J'aurais voulu être un scientifique, faire avancer la vie, savoir ce qui paraît magique et au futur rendre service, avoir de l'importance en faisant avancer la science et au final raccourcir la distance entre Dieu et mes J'aurais pensées. J'aurais voulu faire dans l'humanitaire, construire des sanitaires au Bangladesh, colmater les brèches et les failles monétaires, utiliser ma raison d'être et puis peut-être ma petite tête pour améliorer l'état des peuples qui s'embêtent. Y'a tout un tas de choses intéressantes et le bonheur se trouve en les réalisant. Y'a plein de métiers que j'aurais voulu faire, j'aurais voulu marquer de mon empreinte mon passage sur terre. Y'a tout un tas de choses intéressantes et le bonheur se trouve en les réalisant. Y'a plein d'actions que j'aurais voulu faire, j'aurais voulu agir, aider au développement de la terre. J'aurais voulu devenir sage, développer ma pensée, user du dialogue et des actes comme Gandhi ou Socrate, chercher à concilier l'utile à la solidité, réaliser comme Gaudi des édifices de toute beauté. J'aurais voulu manier les notes, maîtriser le solfège, vivre en harmonie avec les accords et les arpèges, jouer d'un instrument, être un virtuose et même écrire des symphonies, finir par mon requiem. J'aurais voulu être zen comme Zidane ou chercheur au CNRS pour combattre le cancer et le sida. J'aurais voulu aider les pays comme le Rwanda ou le Mali, égayer ce monde plus surréaliste que Dali. J'aurais aimé philosopher avec des philosophes, parler de mes troubles obsessionnels avec des psychologues, retourner dans le passé, effacer les traces tristes et noires que des mauvais hommes au pouvoir ont laissé dans l'histoire. Y'a tout un tas de choses intéressantes